Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous vous trouvez sur l'émission Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les vendredis soirs de 21h à 22h30. Notre adresse est toujours le 365A, Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, c'est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous allons parler de deux sujets. D'une part, de ce qui s'est passé la semaine dernière au moment de la manif, de la marche au flambeau féministe qui a eu lieu samedi dernier, qui s'est pas trop bien passé parce qu'il y a eu une intervention de la police un peu musclée, même très musclée, je crois. Voilà, avec trois participantes qui sont là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Et dans la deuxième partie d'émission, nous parlerons d'un squat qui s'appelle la salle coiffe et qui existe depuis maintenant un an et demi. Voilà. Donc nous allons d'abord passer un petit morceau de musique. Axel, tu as de la musique? Ouais. Et qu'est-ce qu'on va écouter? Il va vous le dire. Il y a Holding and Company de Big Brothers, voilà. Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother. Ok. Ce soir, donc, nous avons trois participantes à la marche au flambeau qui a eu lieu, la marche au flambeau féministe qui a eu lieu samedi dernier, qui s'appelait Reclaim the Night. Donc, Reclaim the Night, vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, d'où ça vient Ben, on ne sait pas trop. je sais pas trop d'où ça vient. Je crois que c'est anglophone, en tout cas, Angleterre ou États-Unis. L'idée, c'est d'une marche nocturne de réappropriation des rues. Je crois que c'est toujours nocturne, non ? Je crois. Hein. Par des groupes de femmes et de personnes trans. Enfin, ça dépend des marches, hein, parce que je crois que ça n'a pas toujours été le cas, mais grosso merdo, c'est ça. C'est prendre la rue de nuit sans autorisation pour se réapproprier et dénoncer les violences qu'on y subit régulièrement de jour comme de nuit. Donc c'est le principe de Reclaim the Night. C'est un peu la version féministe de la Reclaim the Streets, un peu, quelque part, ouais, qui est une marche mixte de réappropriation des rues sans autorisation. Et donc ici en Belgique, ça existe d'à peu près depuis 4 ans, c'est ça ? 4 ans, ouais. C'est la quatrième édition, ouais. Enfin, oui, c'est ça. Et donc, y avait toujours pas mal de personnes qui venaient participer à ce genre de manifestation. Ben, moi, personnellement, j'ai pas assisté à la première. J'ai assisté aux trois dernières éditions. Je sais que la première, on m'avait dit qu'il y avait quand même un peu de monde. La deuxième, quasiment pas. On était très peu. Et on a été arrêté par la police très vite. Et la troisième, qui était en septembre, il y a eu, je pense, 60 personnes à peu près. Et c'est très bien passé, c'était très chouette. Et là, sur celle de cette année, je pense qu'on était presque 200. Parce que l'appel était visiblement plus large et il y a eu beaucoup de Françaises qui sont venues. Donc ça a fait un peu la différence à ce niveau-là, des personnes qui sont venues de Paris, de Lille, de la ZAD, enfin de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, voilà, ça a amené. Il y a eu beaucoup de solidarité de la part des Françaises pour faire un peu plus masse. En parlant de, c'est pas la quatrième édition de Belgique, c'est la quatrième édition de Bruxelles. De Bruxelles. Parce qu'à Gand, il y avait le Hexenacht, c'est la nuit des sorcières, et ça existe depuis 2008-2009, je crois. Et c'est chaque année le 21 décembre, du coup la nuit où il est le plus long. Et c'est le même truc, tu réappropries la nuit comme tu peux faire normal, tu vois. Tu fais ta vie dans la nuit, comme dans la journée, sans être harcelé, être une personne qui peut marcher dans la rue sans avoir des remarques. Des habits, être en temps d'être femme ou queer ou PD ou quoi que ce soit. Et Hexenacht, on dit pédéraste. On dit pédéraste. Et Hexenacht, ça veut dire la nuit des sorcières. Et en fait, c'est une nuit de magie où je me rappelle les premières fois à Gand où c'était vraiment un truc de. On veut réclamer la magie qui peut exister entre les gens. Et qui est là, en fait, et qu'on ne voit plus, parce qu'il y a tellement de cases, tellement de médias, des interprétations de la société qui font que le corps, il doit être beau, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, et c'est une appropriation de soi-même, une liberté à prendre, quoi. Et au niveau de la participation, quelles sont les personnes qui participent à ce genre de manifestation en général? Le monde des femmes. The Night, ouais. La salle qui a eu lieu samedi, par exemple. Oui. C'est ouvert à toute personne, qu'elle soit militante, pas militante. Là, du coup, en tout cas, dans l'appel qui était donné, visible. Dans les tracts, les affiches ou sur Internet, c'est une marche qui se veut inclusive, donc qui appelle tout type de femmes ou personnes trans, et donc avec des idées différentes, des religions différentes, des cultures différentes, à se réunir ensemble pour marcher. Après, dans les faits, est-ce que si cette mixité-là, elle existe Là, samedi, c'était pas assez le cas, en tout cas, on pense, ouais. C'est parce que, voilà, c'est majorité blanche, pas de femmes voilées, par exemple, alors qu'elles, elles subissent une oppression dans la rue et de la part de la société, en général, assez terrible. Enfin, voilà, donc peut-être que le but, il est de se rassembler, mais que c'est pas encore le cas. Oui. Et donc, samedi, vous étiez quand même 150 à 200, c'est ça? Et alors, comment ça s'est passé? Vous avez fait d'abord un atelier, je crois, l'après-midi. Donc, il y avait un rendez-vous qui était donné dans un lieu, le 123, qui est C'est un squat? Un squat légal. Oui, c'est un squat légal, en fait, mais c'est un squat quand même. Donc, pour se réunir, se rencontrer, être briefé un peu sur les lignes directrices, on va dire. Et puis, du coup, il y avait une chorale qui venait de Lille pour apprendre des chansons, faire un atelier... Il y avait un atelier pochoir, enfin, il y avait plusieurs ateliers comme ça, voilà, ça commençait dans l'après-midi. C'est pas toujours le cas, je crois, des marches où, des fois, bah, tout le monde se réunit à un moment, et puis c'est parti pour marcher ensemble. Là, il y avait un avant, et puis il y a eu un après aussi, donc c'était un week-end assez chargé. Mais enfin, voilà. C'est aussi un truc à partager, des trucs que tu as subis dans la rue, ou des trucs comment toi tu gères les situations où tu te sens plus une... En fait, moi personnellement, j'ai pas envie de me sentir une victime d'une violence ni verbale ni physique. Et du coup, je pense samedi, c'était plutôt un truc de... Bah, il y a des ateliers qui sont faits pour partager avant, pour se connaître, pour être... Une force, en fait, contre la violence qui est chaque jour dans la rue. Et après aussi, avoir subi la violence déjà dans la rue, parce qu'il y avait des remarques des personnes qui ont passé, et il y avait aussi la violence policière après, ou pendant, plutôt. Et je pense que c'est vraiment un truc de partager, et je trouve ça... Pour moi, les Reclaim the Night, c'est vraiment ça, quoi. C'est que tu te réunis avec des gens que tu connais pas, parce qu'il n'y a pas d'organisation, en fait. C'est juste un nuit qui se passe comme ça, et c'est trop bien. Moi, je me sentais super fort au lieu de faible. Et moi, ça me fait trop du bien, et j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui viennent pour ça, pour partager justement les mâles et les bonnes, et à avancer là-dessus. Et alors, c'est une manifestation qui n'était pas autorisée, puisque vous n'aviez pas demandé d'autorisation, je crois. Et c'est à cause de ça que ça a un peu dérapé. Non, parce que celle de septembre n'était pas autorisée, à ce que je sache, et ça n'a pas dérapé. Je pense que ça a dérapé parce que les flics, ils avaient envie que ça dérape, déjà. Parce qu'ils avaient envie de taper des féministes, pour pas dire des femmes, des personnes trans. Parce qu'on l'a clairement vu dans leurs yeux, qu'ils s'amusaient, en fait, à nous matraquer. Du coup, c'était leur grand moment, un peu... voilà, c'était leur grand soir à eux. Leur raison pour laquelle ils ont commencé à matraquer, c'est parce qu'ils ont vu des tags, une personne taguée, et du coup ils se sont jetés sur cette personne pour essayer de l'arrêter. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont beau avoir des matraques, ils sont quand même plus faibles que nous en grand nombre, et le groupe a désarrêté les personnes, et du coup ils sont mis à matraquer tout le monde par frustration. Et du coup, voilà, pour une personne qui fait un tag, déjà, est-ce qu'on matraque une personne qui fait un tag? On pourrait se poser la question. Et en plus, est-ce qu'on en matraque 150 quand une fait un tag? Alors là, on se pose même plus la question. Voilà. Mais en tout cas, leur excuse, c'était ça. Après, je sais pas, nous, on en a parlé un peu autour de nous, aux autres copines qui étaient là, mais la plupart des personnes sont assez convaincues qu'ils avaient envie de faire ça et qu'en fait, c'était une excuse et ils en auraient trouvé une autre. Mais ils avaient quand même des ordres de plus haut en disant qu'il fallait pas que ça se passe. Les flics. Des ordres de plus haut de quoi ? La manifestation pour dire que ça se passe pas. Alors, quand on était au Mont des Arts en train d'attendre les dernières arrivantes avant de partir, il y a eu ce scénario que j'ai vu à chaque fois que j'ai fait des Reclaims the Night, de policiers, des RG qui sont là en civil. C'est toujours la même personne, c'est une femme, la même, avec ses talons là. Et oui, parce que c'est absurde qu'elle soit avec des talons, elle, après elle galère sur les pavés. Et en fait, elle vient et elle dit. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez manifester, et on dit juste bah apparemment, et elle dit vous allez qui organise, on dit bah il n'y a pas d'organisatrice, et vous allez vers où, et on dit on va par là, et à chaque fois ce qui se passe c'est qu'on nous empêche pas de partir, on nous dit pas non c'est interdit vous partez pas ou quoi, juste on part, et voilà. Et la dernière en septembre ça s'est très bien passé, ils nous ont, les deux RG, le garçon et la fille, ils nous ont suivis, et puis voilà. Et quand on est arrivé à la fin, c'était au parvis de Saint-Gilles, et ben on s'est fait entourer par plein de flics en civil, là on a compris qu'il fallait qu'on s'en aille vite, c'était la fin, on s'est toutes dispersées, c'était fini. Du coup là je pense qu'il y avait vraiment des éléments là qui nous suivaient, qui avaient envie d'en découdre. Et d'ailleurs, le type qui a commencé à matraquer, c'est un flic qui était en civil. Et lui, voilà, il avait un regard vraiment flippant. Hein, c'était, je sais pas ce qu'il prend au petit déjeuner, mais ça donne pas envie. Et lui, en fait, il a vraiment sauté dans le tas. Enfin, voilà, il y avait ce truc assez terrible de voir cette violence là patriarcale incarnée en un mec qui a envie de taper des femmes, quoi. Et vraiment, il jubilait, quoi. Certains, pas tous les flics, hein, on va pas les mettre tous dans le même panier, même si on pourrait, mais il y en a certains, ils jubilaient, quoi. Vraiment, ils étaient heureux de taper des meufs, quoi. Du coup. Oui, mais ça, c'est un pléonasme, parce que les flics, ils aiment taper sur tout le monde. Hein. Ils aiment taper sur tout le monde. Forcément sur les femmes. Bon, peut-être que là, c'était parce qu'il y avait des femmes, mais en général, les flics, ils tapent sur n'importe quoi. Ils tapent même sur les mômes. Oui, oui, ils peuvent taper sur tout le monde, c'est clair, mais ils n'ont pas toujours l'occasion de taper sur des dizaines de femmes en même temps. Et en plus, bon, faut dire qu'on est féministe, qu'on est très vite appelé par des personnes. Antiféministes comme féminazies et tout ça, il y a un enjeu aussi de dire ce soir je me suis fait des féministes. C'est pas juste question de femmes, c'est aussi parce que je pense qu'on a des idées politiques qui vont complètement à l'envers et qui remet complètement en branle leur ce qu'ils sont eux, quoi. Je veux dire. Alors ils ont un diplôme à la fin de l'année pour dire on a tapé des femmes. Non, moi je pense que parce que on était venu en soutien un peu après. Et j'avais quand même entendu des filles qui étaient aussi dans le samba et tout ça, qui font plein de manifs, qui étaient tellement choquées qu'ils ont dit « on n'a jamais vu ça ». On n'a jamais vu qu'il y avait des civils qui se cachaient derrière la voiture et, par surprise, qui commençaient à taper. Normalement, t'as un peu, tu vois un peu autour de toi « alors les flics arrivent, machin », tu vois, t'as un peu... Il y a un avertissement, pas toujours, mais... Ici, vraiment, il y en a plein de gens qui ont dit « on n'a jamais vu ça ». Donc, moi, je pense carrément que ça n'a rien à voir avec le genre. Parce que, en fait, quand moi, je me suis fait embarquer par les flics et taper d'abord, et après, je me suis fait embarquer, c'était le flic, c'était un mec. Déjà, on attendait... pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, avant que plein de flics féminins ils arrivaient pour nous tous fouiller. Et quand moi, je me suis fait embarquer, le flic, il m'a vraiment, j'avais l'impression, ma main, elle était sous ma tête, par derrière. Il m'a pris dans un clé, n'importe comment. Il me regardait, il m'a dit « Oh, un mec, bon, je vais te fouiller ». Du coup, moi, j'ai dit, en fait, je suis une femme, tu vas pas me fouiller, c'est parce que j'ai des cheveux courts et je suis grande, il n'y a pas moyen que tu vas me fouiller. Et après, il y a le RG en question qui a commencé, en fait, tout, qui avait vraiment un regard de psychopathe, à mon avis. En fait, après, il était là, mais vous êtes tous des femmes tarées, c'est n'importe quoi de venir dans la rue. De toute façon, toi, mec, femme, j'en sais rien, mais t'es qu'une nulle, t'es qu'un... Tu vois, c'est juste un truc de... en fait, il y a une personne de flic qui a envie de taper, et après, il y a tous les autres qui arrivent, et il y a la moitié qui a envie de taper, bah, c'est foutu, t'as juste, c'est juste la pression, qu'il y a une répression de ouf qui se fait, et pour moi ça avait rien à voir avec le genre ou le fait qu'ils ont envie de taper sur les femmes, c'est juste qu'ils ont envie de taper. Et ils ont envie de represser, ils ont peur en fait de qu'on ouvre notre bouche et qu'on n'est pas d'accord avec le système qui existe. Et pour moi, franchement, quelques tags, il n'y avait pas du vandalisme, il n'y avait pas rien qui s'est cassé, il n'y a pas de fenêtres cassées, c'était pas violent du tout, il y avait de la musique, on dansait. Et c'était mon premier manif en 3 ans. Et franchement, à la fin, j'étais sur la première rang à tenir tous les potes, tous les copines, tous les potes, tous les copains-copines, quoi. Et ça m'a fait un truc de... En fait, on est en force. Et même si s'ils nous tapent, bah, je suis avec mes 2 pieds par terre et je sais pourquoi je suis là. Et j'en ai marre d'avoir peur des flics, de violence, de tout ça, quoi. Oui, d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai lu l'article qui avait été écrit dans Axel, il y a eu une solidarité entre les manifestants qui a été extrêmement importante. Mmh. C'est-à-dire que bon, vous êtes tous entraînés, il y a des gens, il y a une femme qui a voulu sortir, il y en a une autre qui l'a accompagnée. Vous êtes vraiment tenus ensemble, en solidarité partout. Quoi. Bah, en fait, il faut peut-être expliquer un peu. Comment ça s'est passé concrètement? En gros, donc, on était en train de marcher, ça a duré 20 minutes, et donc il y a 3 flics, dont un en civil, celui dont on parle, qui s'appelle Steven d'ailleurs, qui est néerlandophone, qui a une grosse tête de taré qu'on peut voir sur les vidéos, qui vraiment prend des trucs et veut juste taper des gens, quoi. Donc ces trois flics-là ont sauté sur des personnes qu'on a réussi à désarrêter. Et en fait, ils se sont retrouvés encerclés parce qu'ils étaient au milieu de la manif, quoi. Et que nous, on leur disait juste dégage, dégage, dégage de notre marche, en fait. Tu vois, là, on marche librement et on fait de mal à personne. Dégage, en fait. Ils fonçaient dans le tas, donnaient des coups de matraque à des personnes qui étaient là, juste, enfin voilà, sans armes. Enfin, c'était complètement démesuré, quoi. Et en fait, de là, ils ont appelé du renfort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est fait nasser. Donc encerclés, resserrés de plus en plus les unes sur les autres. Donc à un moment donné, on était une masse de personnes serrées les unes contre les autres. Et donc on s'est toutes pris les bras, les unes attachées aux autres par les ceintures. Et, enfin, voilà. Et donc l'étau se refermait sur nous. Et donc, ils nous ont proposé un deal, les flics, qu'on sorte une à une et en donnant notre identité. Et on a répondu, on sortira d'ici ensemble et sans donner notre identité. Donc, après, on a été identifiés une par une, mais de force. Donc, ça veut dire que cet étau qui se refermait autour de nous, on était une espèce de muraille où, à chaque fois qu'ils devaient en prendre une, ils y allaient à 3, 4, 5 à coups de matraque. Donc ça veut dire que les 138 personnes qui se sont fait identifier, en fait, se sont presque toutes retrouvées avec des bleus le lendemain, quoi. Parce qu'on s'est toutes pris des coups de matraque, un truc de fou. Un truc de fou. Mais jusqu'à, enfin, des trucs où on t'abaisse la tête en te prenant les cheveux et on te donne 5 coups de matraque dans la nuque et puis on te plaque sur le sol avec un genou sur le visage. Après, on te fouille en te tordant le bras pendant 10 minutes alors que t'es déjà immobilisé, il n'y a plus besoin de te faire mal, mais on te tord le bras pour te faire encore plus mal. Et donc, c'était tous des processus d'humiliation et de violence qui étaient juste hallucinants, quoi. En plus, avec toutes ces lumières bleues et plein de gens qui crient, bah forcément, il y a des gens qui passent dans la rue et qui s'arrêtent et qui commencent à filmer. Et à un moment, du coup, ils ont rebougé les camions pour empêcher les gens de filmer, pour faire vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Et ils ont même obligé les snack bars et les commerces autour de fermer les rideaux. Ouais. Complètement, parce que je sais qu'on a essayé de rentrer là-dedans, parce que c'était le seul moyen pour pouvoir avoir une vue sur ce qui se passait. Et vraiment, ils ont tous collaboré, hein. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment clairement, on va tout fermer, tout Rien soit vu. Moi, j'ai parlé vite fait au mec qui était sur le coin dans le kebab pour lui dire désolé parce que t'as pas des clients ce soir. Et en fait, il a dit non, c'est pas votre faute. Je suis obligée de le fermer, sinon moi, je vais prendre des amendes. Et là, je peux pas. Et en fait, c'est un truc, c'est une répression autrement, c'est une violence aussi. Mmh. Et c'est que ça qui a été utilisé ce soir-là. C'était que des pressions, que des violences, que des... Ouais, physiques, verbales, à nous insulter, à provoquer. Tu vois, et je suis content que, en fait, tout le monde a resté assez calme. Et juste, moi, j'avais envie, à un moment, j'avais vraiment envie de... Je sentais que ça bouillait à l'intérieur et j'avais envie de me mettre debout et de taper sur le RG. Parce que quand j'étais tout seul avec lui, quand il m'a embarqué, bah, il n'arrêtait pas de m'insulter. Après, en plus, j'avais pris un gros coup de matraque sur mon bras. Je faisais un peu, tu vois, j'étais là depuis 10 minutes, je commençais à avoir froid, je bougeais un peu mon bras. Et un des flics me demande « Qu'est-ce qu'il y a, toi ?» J'ai pris un gros coup de matraque, ça fait mal, quoi. Et lui, il était à côté, il m'a pris par le bras, il m'a pressé encore. « Ah, ça fait mal ? Ah, dis donc. » Du coup, là, j'ai pas pu m'empêcher de le dire un truc, mais en fait, toi, t'es juste un gros, pipe, quoi. Et après, il m'a mis des points de pression sur mon coude, là, en dessous les mâchoires. Et tu vois, pour moi, c'est juste un truc. Ben, en fait, je suis juste à côté. J'ai donné mon nom. J'ai donné mon identité. J'attends que vous me lâchiez. Et vous me faites encore du mal. Et ça me... C'est un peu... Ouais, j'ai mal vécu ça, quoi. Ça m'a donné encore plus envie. En fait, c'est une action-réaction. Ouais, c'est provocation. Voilà. Mmh. Et peut-être, je crois que, comment s'appelle, en Europe, il y a un problème sur la police en général. C'est pas qu'ils veulent vraiment une façon d'intervenir dans les manifestations très, très dure. C'est-à-dire taper sur les gens très, très fort. En fait, leur but, moi, c'est mon idée, leur but, c'est que les gens y recommencent pas, quoi. Mmh. C'est-à-dire ouais, que c'est comment ça s'appelle, c'est une agressivité tellement dure, en disant les gens, ils vont pas recommencer. Mm-hmm. Quand tu te prends un coup de matraque dans la gueule et que tu vas à l'hôpital et tu perds une dent ou deux dents ou je sais pas quoi, bah, c'est vrai que le problème, les gens, ils ont pas envie de recommencer. Et c'est une attitude qu'ils ont qui est à l'extrême. Parce qu'il y a, comment s'appelle, que ça soit en Belgique, bon, je dirais pas en France, parce qu'ils sont encore socialistes, ce qu'on veut, mais il y a comment ça s'appelle... Il y a les flics qui ne sont pas mieux en France. Hein. Comment ? Oui, c'est non, encore pire. Ils ne sont pas fous. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, il y a un système de droite pur et dur de taper sur les gens. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, eh bien, on vous tape sur la gueule. Et c'est le problème... Ce qui est bizarre, c'est qu'en septembre, ils n'ont pas fait ça, tu vois. Oui, non, mais ils n'ont pas fait ça en septembre. C'est pourquoi maintenant, c'est parce que peut-être il y a plus nombreux, ou ils ont vu d'autres groupes qui aussi, venaient. Aussi, ils ont pris un peu cher, parce que je ne sais pas quel était l'homme RG dans la manif de septembre. Stéphane. Et ça se trouve, c'était le même, j'en sais rien. Mais lui, il a pris cher, parce qu'on lui en a mis plein la tête. On avait plein de slogans anti-flics. À un moment, il était au milieu de la manif, on l'a dégagé à coups de slogans, il ne savait plus où se mettre. Donc si c'est le même, il avait sa revanche à prendre. En tout cas, la femme flic, elle a le jubilé. Quand elle a vu qu'on est arrêté, parce que ça fait plusieurs manifs qu'elle doit suivre et qu'en fait, à chaque fois, elle est frustrée, quoi. Elle s'appelle Mikala. Ok, ouais. Mikala. Mikala. Mikala. Mikala. Okay. Et en fait, ce qui est fou, parce que tu dis, en fait, c'est censé plus donner aux gens envie de recommencer, mais en fait, nous, là, de se prendre toute cette violence gratuite, mais en fait, ça nous a foutu tellement la rage, quoi. Mmh. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de redescendre dans la rue, quoi, mais demain, direct, et on était cassés en deux, quoi, par leur matraque, parce qu'évidemment, on n'avait pas les armes, on s'attendait pas du tout à cette répression, en fait. Et je voudrais revenir deux secondes sur la solidarité, parce qu'on s'est pas arrêté là-dessus, enfin, juste brièvement, et en effet, en fait, c'était fou, parce que dans ces personnes qui étaient nassées, il y en avait certaines qui avaient l'expérience de violences policières, de manifestations, et d'autres pas du tout. Et en fait, il y a eu une bienveillance entre les personnes de... Bah, toi, ouais, tu te sens pas trop de rester là, tu peux pas le vivre, c'est au-dessus de toi, et bah, pars, et y a pas de problème. Et d'autres personnes qui n'avaient jamais vécu ça, qui disaient non, moi je veux rester là et être solidaire, et du coup, en fait, c'était hyper fédérateur, c'était non, hyper puissant, en fait, quoi. Moi, je pense que c'est. Moi, je le dis parce que bon, moi j'ai 73 ans. Et moi, je ne vais plus aux manifs parce que, bon, si je me fais taper, ils me cassent, quoi. Ils me cassent complètement. C'est que quand j'avais en 68, ça allait, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le problème. Je pense qu'il y aura toujours, dans les mouvements, il y aura toujours des gens qui voudront lutter, même avec les violences, de la violence policière. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça devient de plus en plus dur, quoi. C'est que il faut le dénoncer, ce côté dur, et qui est avant, oui. Bon, ça allait, quoi. En Belgique, avant, ça allait. On a commencé à avoir les violences policières assez importantes au moment de nos borders. Ouais. Hein, mais ils ont appris à une très bien à l'école. Ils vont voir les flics français qui savent comment on tape les gens, quoi. Moi, je pense que ce n'est pas depuis le no-border. C'est à Bruxelles. Mais en Belgique, moi, j'ai vécu des trucs avant, bien avant, sur des autres endroits, des occupations, des manifs. Où, en fait, moi, je pense que c'est juste un truc ils utilisent la peur chez des gens. Ouais. Et c'est pas qu'en Europe, c'est que c'est partout. On parle des terroristes, on parle de en fait, dès que les gens ils se révoltent, bah, c'est des terroristes, ouais, c'est des extrêmes, c'est des extrémistes. Bah, et du coup, ça fait peur aux gens qui sont pas, qui ont une vie quotidienne, plutôt boulot, famille, et qui ont pas envie de rentrer là-dedans et qui sont contents en fait dans ce truc. Et tu vois, du respect pour ça. Mais. C'est aussi ce truc de, il faut se comprendre, il faut qu'on se commence à se comprendre entre nous, des gens qui ont des différents choix, on a chacun différents choix de notre vie. Et je pense, moi j'en ai marre d'avoir peur, soit des terroristes, si je vais à l'aéroport, bah oui j'y pense, oui il y avait des attentats. Mais c'est comme ça. Mais il y a aussi ce truc de... Ben en fait, je me rappelle une truc de Bush, par exemple, il y a quelques années, qui disait, qui répétait tous les mots de arabe, terroriste, musulman, terroriste, musulman, terroriste. Et en fait, c'est un brainwash, c'est un truc qui se fait et les gens, ils les croient parce qu'ils l'entendent tout le temps. Et du coup, c'est une manière pour eux, pour arrêter les manifs, pour arrêter que les gens ils s'expriment dans la rue, et qu'on se tait tous et qu'on écoute et qu'on suit le contrôle et qu'on fait plus rien. Mais je pense que s'il y avait au niveau des manifestations deux fois plus de monde, il y aura un moment donné, ils seraient obligés de Bah regarde en Roumanie, il y a 200 000 personnes qui sont allées dans la rue il y a pas longtemps. Bah ils sont tous faits repousser par l'armée. Par exemple, c'est toujours le même, pour moi en tout cas, c'est toujours le même que, en fait, dès que t'es pas d'accord avec l'État ou les gens qui ont le pouvoir, bah, y a un moyen qu'eux, ils te manipulent, soit ils te font peur. Et c'est toujours le même qui se passe, qui existe, qui depuis... Ouais, depuis... Il y a des pouvoirs de plus en plus forts. Hein. Ouais, voilà. Ils ont des moyens de plus en plus forts. Mais c'est aussi vraiment, allez, en Belgique ou à Bruxelles, c'est vraiment, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Tu vois. Et donc ils font quand même le référence sur tout ce qui est manif sauvage. Il y avait l'histoire des graffitis, je crois. Non, mais même toutes les manifs sauvages, tu vois... Il y avait ça, mais il y avait aussi l'histoire des graffitis. Pour moi, c'était important que... En fait, il faut voyager quand vous prenez l'avion, il faut voyager sur Daesh Airlines. Vous n'avez pas de problème. Okay. Il y a quand même des manifs non annoncés qui se sont passés. On en a fait une sur le logement le 21 mars dernier. D'ailleurs, il y en a encore une cette année et il n'y a pas eu de problème. J'ai sur cette année, du coup, 2016, j'ai ces deux exemples-là au moins. Celle sur le logement et la réclame de Night de septembre. C'est ça que je veux dire. Bon, c'est vrai que là, y a, de temps en temps, ça passe pas. C'est vrai qu'ils jouent un peu avec ça. Mais les manifs autorisés, pour l'instant, là, ils disent, ouais, voilà, ça, vous avez quand même fait appel, il faut juste faire appel, machin, tout. C'est votre vote quand vous tape dessus parce que vous n'avez pas demandé l'autorisation. Ouais. Bon, ça, c'est une discussion que j'ai eue avec le flic qui était autour, quoi, tu vois. Et je lui ai dit, mais bon, c'est quoi comme excuse, quoi, tu vois. C'est vraiment terrible. Tu ne peux pas taper sur les gens juste pour ça, quoi, tu vois. Et il y a un contexte aussi, là, qui est l'actualité très, très récente de ce qui vient de se passer avec Théo, violé et tabassé par la police à Aulnay-sous-Bois. Et que, en fait, bah, là, en France, c'est en train de péter. Et que... ils veulent surtout pas que ça se répande en Belgique. Là, il y avait un rassemblement de prévu à 18h qui a été empêché. À 18h moins 5. Ouais, voilà, à 18h moins 5, nous, on débarque et on voit les copains se faire embarquer. Donc, voilà, c'est clair que le contexte, là, il est chaud et que... Et qu'il y a plein de manifs sans autorisation qui fleurissent de partout. Et voilà, c'est... Ils vont, il y a des contextes où ils vont laisser passer en se disant ok, c'est bon, et puis d'autres où ça passe pas parce que c'est trop tendu à ce moment-là, l'actualité, quoi. On passe un petit morceau de musique. Should I go the length of the river, the throw, the throw? Voilà, vous vous trouvez toujours sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Vous avez encore des choses à rajouter par rapport à ce qui s'est passé samedi ? Je sais pas, mais en tout cas, du coup, il y a eu pas mal de cas de violences policières qui sont individuelles et puis là, en masse. Et à ma connaissance, il y a 2 manifs au sujet des violences policières qui s'annoncent. Alors peut-être qu'on est toutes bien chaudes et chaudes pour y aller, du coup, puisque c'est en plein dans l'actualité. La première, c'est demain. Oui. Et la prochaine, c'est le 15 mars, je crois. Donc demain, 14h, 14h. À Place de la Monnaie, c'est ça ? Oui, c'est Place de la Monnaie, oui, c'est ça. C'est à partir de 14h. Du coup, ça part de violences policières plus spécifiques sur des jeunes à Molenbeek qui se sont fait tabasser sans aucune raison. Comme c'est à une semaine de la réclame, on s'est aussi dit que ça serait cool faire un lien direct aussi et dire que on n'oublie pas en fait qu'il y a là il y a plus d'une centaine de personnes qui s'est fait tabasser il y a une semaine pour rien en fait. Et par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce qu'il y a des avocats qui vous soutiennent ou qu'est-ce qui se passe? Nous on est participantes, donc on il y a plein de manières de réagir par rapport à ça, et on a vu sur internet qu'il y avait des personnes qui étaient là qui ont envie de se placer dans une démarche légaliste. Nous personnellement on ne croit pas en les institutions juridiques, étatiques, tout ça, donc on n'ira pas porter plainte, mais il y a d'autres personnes qui vont le faire apparemment quoi. Je crois que le porter plainte ça sert à rien. Je crois que la seule solution, c'est d'en parler dans les médias ou dans les radios et tout. Et là, ça fait un peu trembler le pouvoir. Mais les pétitions, ils n'en ont rien à foutre, strictement rien à foutre. La question des médias, elle est intéressante. Ouais. Par exemple, il n'y a personne qui a trop accepté de parler aux médias mainstream au sujet de la Reclaim the Night. Enfin, à notre connaissance, quoi. Du coup, y a plus des textes qui sortent sur Internet de personnes qui racontent comment elles ont vécu ça de leur point de vue. Nous, on en parle ici avec vous, mais sur les médias mainstream, il n'y a rien. Pas la Libre Belgique qui a fait un article quand même ? Oui. Avec des personnes qui ont témoigné, c'est ça ? Oui, enfin, ils ont repris un peu l'article qui était dans Axel, je crois. Ils en ont parlé quand même. Donc, ouais. Et en reprenant des témoignages de gens qui avaient parlé dans Axel. Ah oui, non, mais il y a eu des articles dans les médias mainstream, mais la voix des personnes qui ont participé, c'est pas tourné particulièrement vers ces médias-là. Donc, Je pense qu'on a fait le tour. Mais enfin, vous devez être un peu choqués quand même par ce qui s'est passé, parce que c'était un peu violent. Pas seulement eux, je pense que plein de gens sont choqués. Oui, quand je dis vous, c'est l'ensemble. Hein. C'est pas uniquement les 3 personnes qui sont là. Mais c'est quand même dur à vivre, je pense que... C'est clair que... Enfin, du coup, il y a eu beaucoup besoin de se voir... après cet événement-là, il y avait plein de gens qui avaient besoin d'évacuer émotionnellement, d'une manière ou d'une autre, ces violences, quoi. Parce que, en fait, c'est des traumatismes. Hein. Il y a des personnes qui sont plus ou moins habituées à la violence, malheureusement, mais ça reste toujours des traumatismes. Et donc, après, il y a tout un boulot entre nous de prendre soin, ce qu'on appelle la sororité, qui est le pendant de la fraternité. C'est tout un travail après de prise de soin les unes des autres, les uns des autres, parce qu'on n'est pas que des personnes qui parlent au féminin. Ok. Si vous avez des moments ou des choses à dire à d'autres moments ou des événements à venir nous parler, vous êtes toujours les bienvenus ici. C'est pas faire de la récup, elles peuvent venir quand elles veulent, c'est pas faire de la récup. Pourquoi tu dis ça? Oui, mais ça, c'est okay. Un peu dans le sens que tu le bon, dis. Bon, d'accord, ça va, j'ai fait de la récup. Nous allons maintenant passer à notre deuxième sujet. Hein, on passe un petit morceau de musique entre les deux. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran. Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta. Je suis triste et émerveillée. Le silence. Je garde le silence. J'habite là. Je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton. Sur toute la terre. Tu n'as pas froid. La terre va encore se refroidir. Réveillons. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison, dans la maison des hommes? Ne suis-je pas prisonnière? Tu ne perdras que ta prison perd un peu ta raison, perd un peu ta raison. Je vous déclare la paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous. Croyez-nous, c'est le matin. Le matin. C'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. Ah, la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury a décidé. Voilà. Alors là, ça le coiffe. Qu'est-ce que Ben oui, parce que nous, à part nous être fait tabasser samedi dernier, on fait des trucs. Donc la salle coiffe, c'est un squat de meufs, on peut dire ça, féministes, qui existe depuis un an et demi. C'est un ancien salon de coiffure, un peu rétro, qu'on a décoré à notre goût et qu'on a ouvert aux gens du quartier, à nos amis, et à prix libre. Du coup, bah, c'est à la fois un lieu d'habitation pour nous, et puis un lieu d'activité avec donc cette permanence coiffure une fois par mois. Et puis d'autres activités, des collectifs qui viennent se réunir là, et puis différentes activités qui s'organisent là. Je ne sais pas s'il faut les détailler. Non, peut-être pas détailler tout ce qu'on a fait, mais... Non, tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va faire. Mais ouais, on essaie de... Ça se passe... Ce qui se passe est souvent le dimanche, c'est plus souvent plutôt calme et c'est plus des thématiques en général politiques, féministes, et c'est quand même très fort axé sur la rencontre et la discussion, souvent, avec quelque chose qui ouvre la parole, une écoute radio, des projections de court-métrage, une conférence, et après les personnes elles peuvent discuter de ce qui s'est passé. Donc c'est un endroit où les gens disent la plupart du temps qu'ils se sentent bien. J'espère que c'est le cas pour aussi les personnes qui ne disent pas si elles se sentent bien. et que, du coup la parole est assez libre et les gens sont assez à l'aise pour discuter de manière très informelle. C'est pas on n'est pas assis autour d'une table à pas oser prendre la parole. Voilà, c'est des petits groupes qui parlent et tout ça. Donc voilà ce qui se passe à la salle coiffeur, en dehors du salon de coiffure, je veux dire. Aussi, depuis un an et demi, il y a pas mal de personnes qui sont passées par là pour une nuit ou pour trois mois. Et du coup, on avait envie d'être un lieu d'accueil où les personnes, soit de passage, soit qui ont besoin d'un refuge, qui viennent de vivre des violences, qui sont en transition de genre ou bien qui... pour qui la société est trop violente et qui ont besoin d'un endroit où elles se sentent bien, donc plutôt des meufs ou des personnes trans, puissent venir se réfugier. Et je crois que ça a été le cas pour quelques personnes. Et voilà, ça c'est... c'est quelque chose dont on a envie de parler parce que on a envie d'avoir cette activité-là, d'être ce lieu ressource pour certaines personnes. Voilà. Et vous êtes nombreux dans ce squat ? Eh ben non, c'est ça qui est trop cool. C'est qu'on n'est pas 40, on est 4. Ah ouais. Et c'est une grande maison ? Non, c'est pas une grande maison. Il y a 3 chambres. On a aménagé un grand sleeping. Et puis il y a le rez-de-chaussée qui était l'ancien salon de coiffure que là on n'utilise que pour les activités. Donc c'est vraiment à l'échelle d'une maison et en fait ça nous va bien parce que justement on n'est pas tout le temps en train de dealer avec 50 opinions différentes. On est un groupe affinitaire où on se connaît, on sait comment on fonctionne et quelles sont nos idées. Et du coup, c'est plus rapide aussi. Enfin, c'est chouette en fait, de s'organiser en petits groupes aussi. Mm-hmm. Même si sur d'autres trucs, on a envie de s'organiser en grands groupes et de faire des trucs de fou. Mais bon, voilà. Oui, est-ce que vous avez des activités culturelles, d'aller dans des expos ou aller voir culturel, visiter des monuments ou des trucs comme ça, culturels. Tu veux dire nous, personnellement ? Oui. Pas à la salle coiffe, quoi. Nous, personnellement. Non. Votre organisation. Bah, je crois qu'à la salle coiffe, il n'y a pas de culturel s'il n'y a pas de politique dedans. Qu'à chaque fois qu'on va regarder un film ou qu'on va écouter quelque chose de la radio ou on va regarder un spectacle, c'est que ça dit quelque chose et qu'après, on va en parler. Mais on n'est pas fermé à ça, en fait, on n'en a jamais discuté, mais je crois que la démarche, elle est toujours de parler de sujets. Hein. Des fois, enfin, voilà, on ne parle pas de révolution tous les dimanches, quoi. Mais quelque part, un petit peu, quand même, quoi. Vous parlez de généralement des sujets en général, quoi. Ouais, avec des thématiques. Ouais. Et aussi, ça fait partie de la vie quotidienne. Moi, j'ai rencontré la salle coiffe... Il y a 2 mois, et je rentrais dans la maison et ça m'a fait une énergie de ouf. Je me sens trop bien, à l'aise et à avoir une liberté de parler de tout ce que j'ai envie de discuter avec les gens, et culturel ou politique ou la vie quotidienne ou n'importe quoi en fait. Et c'est ça qui est trop bien là-bas. Là, je suis un peu coincée là-bas et en fait, j'ai envie de continuer à faire des trucs avec la salle coiffe. Je bouge très souvent, mais j'ai envie de continuer à faire des rencontres. Il y a une liberté, quoi. Il y a une trop bel esprit, une positivité. Au lieu de voir tout dans le noir et de tout le temps râler, parce qu'il y a beaucoup à râler dans la société, mais c'est aussi de voir en fait les trucs négatifs, bah, comment on peut les rendre positifs, quoi. Et je trouve ça, c'est un truc spécifique pour la salle coiffe que j'ai pas trouvé toujours ailleurs, dans des autres squats ou des autres lieux, ou voilà. Vos relations dans le, comment ça s'appelle, autour de du squat. Horrible. On a des relations de merde avec tout le monde. moi, je ne connaissais pas les gens qui habitaient là-bas. Je connaissais une personne. Et en fait, qui m'a invité à venir là-bas. Et j'ai rencontré tout le monde qui habite là-bas. En plus, j'ai fait une salon de coiffure. Et en fait, c'est une énergie. Il y a les gens de quartier qui viennent, il y a des enfants, il y a les familles. Il y a tout le monde qui est bienvenu tant que tu as du respect et tu es ouvert pour parler des trucs qui vont bien ou pas bien. Tu vois, tu n'as pas un truc de violence ou trop de négativité ou tu as envie juste vous. J'aime pas les cases et j'aime pas le truc de vous et nous. Et j'ai l'impression que c'est vraiment présent, quoi. En fait, on est chacun une différente personnalité et on a chacun une autre vie, une choix à faire ou des choix à faire. Je me sens trop bien là-bas, quoi. Et le regard des gens qui viennent chez vous alors, dans la coiffure, comment, est-ce qu'ils vont vous déjà dit comme « Ouais, on ne savait pas peut-être trop, qu'est-ce que vous allez venir faire ici, et maintenant, c'est génial que vous faites ?» Comment ils réagissent est-ce qu'ils... Bah, y a plein de réactions différentes de « Ah ouais, c'est quoi cette maison bizarre où toutes les fenêtres elles ont été repeintes en rose et qu'il y a plein de filles avec des coiffures bizarres qui rentrent dedans et... ?» Bon. Il y a une curiosité du quartier, mais après, plein de liens qui se sont créés dès le départ, en fait. Par exemple, il y a une épicerie à quelques rues avec une dame qui s'appelle Martine, qu'on a appelée Madame Rêve, parce qu'elle, elle a toujours vécu dans le quartier. Et puis, elle nous a raconté quand elle était petite, elle était copine avec la fille de la coiffeuse. Et donc, elle venait jouer dans le salon de coiffure qu'on squatte maintenant. Et en fait, une semaine avant qu'on arrive dans ce salon de coiffure, elle a rêvé que le salon de coiffure reprenait vie. C'est quand même un truc de fou, quoi. Cette maison était vide depuis 10 ans. Et donc, elle, bah, elle vient se refaire le brushing à la maison une fois de temps en temps. Et donc, voilà, on est aussi dans un quartier à Saint-Guidon qui est assez apaisé, quoi. Enfin, on était surprise de ça. Il y a des quartiers qui sont plus électriques à Bruxelles, et là, il y a un multiculturalisme, parce que c'est vraiment... Il y a plein de communautés différentes qui vivent ensemble à Saint-Guidon, mais dans une ambiance assez apaisée. Et du coup, bah, ça se rencontre, ouais. C'est aussi nous qui devons... Enfin, je trouve que quand on fait une activité sociale comme ça, c'est pas... Enfin, si on veut vraiment faire venir les gens, il faut se remettre en question soi-même, en fait. Faut pas demander aux gens du quartier de s'adapter à nous et à nos codes pour pouvoir se sentir bien chez nous. Et du coup, c'est aussi toute une démarche de comprendre, en fait, comment nous, on peut accueillir des personnes qui vivent autour de nous, qui vivent dans différentes réalités, en fait. Et c'est Mais... hyper riche. Moi, je crois que c'est important. C'est que c'est le commun des mortels a envie de comment s'appelle, d'attitude que vous avez, parce que ça les fait revivre, soit pour les vieux ou pour les jeunes, ça leur fait disons un côté culturel, ou pas forcément culturel, une façon d'association. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aller là, parce qu'ils sont complètement, moi je pense, un peu perdus de la société qui est dure et très, très rude et agressive, et je pense qu'il y a des individus qui veulent aller vers vous dans le salon de coiffure, pour, je ne dirais pas s'identifier, mais d'avoir une chose en commun. C'est-à-dire, en commun, tourner ensemble, faire des choses, faire des trucs de pétanque ou de se faire une coiffure en rose ou en violet ou en marron ou en tout ce qu'on veut, ou en noir et rouge et jaune. Et voilà, je pense que c'est intéressant, ça. Oui, puis c'est un truc de posture, en fait, de... Nous, c'est pas parce que on est des squatteuses, des militantes, je sais pas quoi, qu'on a tout compris à la vie. En fait, on a aussi plein de choses à apprendre de ces personnes. Et que... Mais je crois que les quartiers sont intéressants à apprendre. Parce que c'est des gens qui sont... Moi, je pense que tous les gens qui sont dans les quartiers, un peu, je veux dire, en dehors du centre... et tout, ont besoin de ce côté un peu de changer. Parce que qu'est-ce que c'est que le côté artistique ou n'importe quoi? C'est un côté élitiste et à la con, quoi. Mmh. Et qu'il y a des quartiers comme... Bon, il y a plein de quartiers à Bruxelles qui ont envie de ce côté-là. Oui, mais il y a quand même pas mal de coiffures, de salons de coiffure, et tu vois toujours qu'il y a la vie dedans. Moi, je trouve, même si tu vas dans certaines communautés, certains quartiers, dans les coiffures, il y a toujours plein de monde, il y a toujours plein de gens. Tu vois, donc c'est, oui, non, mais c'est ça, une c'est, vie, et c'est ça qui est chouette. Ça, c'est normal, parce que les salons de coiffure, comme les, comment s'appelle, les landrettes ou les cafés, c'est une position, comme disons, culturelle. culturelle sociale. Et surtout sociale, de parler aux gens. Les gens ont besoin de parler. Pourquoi il y a des cafés? Pourquoi il y a des salons de coiffure? Pourquoi il y a des landrettes? C'est parce que les gens, ils ont envie de communiquer. Il y a des tas de gens qui ne communiquent pas. Et s'ils n'ont pas... Moi, je vois comment ça s'appelle, et ça, je peux le dire à mon titre, c'est que moi, je suis brocanteur. Il y a des tas de brocanteurs qui s'emmerdent toute la semaine et qui sont vachement contents d'aller au marché parce qu'ils communiquent avec les gens. Et je crois que le marché en lui-même, qu'il soit brocanteur ou n'importe quoi, et les commerces, c'est une façon de, comment ça s'appelle, que les gens y communiquent. Et c'est ça qui est important. C'est que moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette société moderne, c'est que les gens, ils communiquent que par téléphone. Tu les vois, les gens, ils marchent avec leur téléphone à la main, tu vois. Ils cherchent des Pokémon. Fois, comment ? Ils cherchent des Pokémon. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ça le problème. Je crois qu'il faut communiquer au truc comme ça, au niveau de comme les salons de coiffure, n'importe quoi. Mais moi, je pense que qu'il faut de ne pas communiquer pas trop par télé ou par Internet. Généraliser tout, non plus, parce que c'est peut-être ton autre société blanc, européen, comme ça, tu vois. Mais ici, à Bruxelles, il y a plein de communautés, ils parlent encore l'un l'autre, tu vois. Il y a beaucoup de communication dans le quartier populaire. Ah oui, non, mais populaire. Je pense... Donc, oui, non, ça, je pense qu'en tant que... Oui. Allez, c'est tellement riche. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de solidarité. Les Asiatiques, les Africains, les Asiatiques, plein de communautés. Peut-être ça reste de temps en temps trop dans la même communauté, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'ouverture vers d'autres communautés, mais c'est. Voilà. Mais ça, c'est, c'est un truc humain aussi. Je me rappelle toujours l'expression en anglais, c'est Birds of a Feather flock together. Tu vois, t'as un point commun, du coup tu vas chercher des gens qui ont un point commun. Et moi je trouve juste dommage que c'est plutôt dans le truc de couleur de peau, ou les cultures, ou les religions, et il n'y a pas assez d'ouverture. Et je suis assez d'accord avec le fait que, ben, en fait, il y a une génération, surtout la génération d'où moi je viens. Bah, je vois tous mes potes qui ont un iPhone, téléphone, machin, et quand je suis dans une salle et il y a 4 personnes à côté de moi, ils sont tous sur leur téléphone, bah, je me sens mal, quoi. Et je trouve bien qu'il y a des moyens de... En fait, pour moi, squatter, c'est faire un truc social. C'est ouvrir un truc où les gens ils peuvent communiquer, où il n'y a pas une peur. On revient sur le peur, en fait. On a tellement peur de la société, de vivre vraiment les trucs et de vraiment sentir les trucs. On a perdu les émotions, les énergies. Dans la société, il y a tellement de machines, tellement d'Internet, de contrôle, de caméras, de police, qu'on a perdu ce truc de communiquer. Et même si on s'entend pas, ben, y a quand même encore un moyen de communiquer verbalement, à se voir face en face, avec du respect l'un à l'autre. Et je pense dans les salons de coiffure, ben, y a un truc de n'importe dans quel quartier, ou même dans le centre-ville, ou même riche ou pauvre, ou n'importe quelle religion, il y a besoin de ça. D'avoir un truc où tu retrouves des gens face à face, et on est en train de perdre ça, les talents, les moyens de communiquer face à face, quoi. Je vois dans l'évolution ces derniers 10 ans, 15 ans, et même 30 ans, 50 ans, bah, c'est une évolution de ouf où les gens, ils se parlent presque plus. Et c'est sûr que dans les quartiers, je sais pas, je pense que c'est dans n'importe quel quartier, en fait, c'est n'importe quelle personne, y a une communication qui est assez bizarre, moi je trouve. Ça me manque un peu de vraiment sentir qu'est-ce que toi tu ressens, en fait, et sur ce sujet-là, ou qu'est-ce que toi tu ressens sur ce sujet-là, et est-ce qu'on peut communiquer ou pas. Et t'as toujours des gens où tu t'entends pas avec, mais bah, quand même, on peut être dans la même pièce sans se battre, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à voir avec le peur, je reviens là-dessus, mais C'est un truc qui vit dans cette société avec les médias et les téléphones sur Internet. Bah, y a ce peur qui revient, il y a toutes les infos. Les gens, ils sont accros aux infos. Chaque 5 minutes, ils sont sur leur téléphone à voir les infos. Et en fait, ils oublient de ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe à côté de moi. En fait, toi, ça va, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est sûr que je pense les salons de coiffure ou les landrettes ou les cafés, mais je vois de moins en moins de gens qui se parlent. J'ai pris le train aujourd'hui, je me suis exprès mis à côté quelqu'un pour pouvoir parler. Et en fait, directement, il y avait ce truc de téléphone, tu vois. Mmh. Et il n'y avait pas moyen de communiquer avec cette personne. Ou... Ça me manque, quoi. Ça me fait trop bizarre. Mais là, on est en train de partir hors sujet, je crois. Alors, portable, insupportable. Ouais. Mais par rapport au salon de coiffure aussi, nous, on a lancé ce truc parce que cet endroit, c'était un ancien salon de coiffure. On n'a pas eu... cette idée par nous-mêmes, en fait, c'est juste l'endroit qui nous a donné envie. On s'est dit, bah ouais, pourquoi pas un salon de coiffure accessible à tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que nous, on se coiffe n'importe comment, évidemment, mais il y a plein de gens qui ont envie d'aller chez le coiffeur et qui peuvent pas se le payer parce que c'est cher, en fait, le coiffeur. Et on s'est rendu compte de ça, dans un premier temps. Le coiffure et la coiffure et les dents, c'est vraiment un truc qui fait que tu restes dans ta classe sociale parce que c'est grillé complètement quand tu vas chez un employeur, que tu peux pas te payer un coiffeur, un dentiste. Enfin, c'est vraiment un des facteurs qui fait que t'es grillé, comme quoi t'es pauvre, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Puis il y a tout l'aspect donc il y a ce truc de classe sociale, mais il y a aussi le truc de l'esthétique, en fait, de tes cheveux. C'est comment tu prends soin de toi, il y a un côté hyper fort, en fait. Moi, j'ai appris à coiffer, du coup, avec ce salon de coiffure, la salle coiffe. Et ouais, les gens, ils arrivent, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, ils ont besoin qu'on fasse attention à quoi ils ont envie de ressembler. Enfin, c'est pas rien, en fait, de coiffer quelqu'un, quoi. Surtout quand on ne connaît pas. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a tous ces enjeux esthétiques, économiques. Et puis, en même temps, on se rencontre et on est dans un lieu, peut-être dans lequel les gens ne viennent pas souvent. Et... Puis, il y a aussi le truc de... C'est difficile d'aller dans un salon de coiffure. En fait, pour plein de gens, aller chez le coiffeur, c'est une démarche, je pense, de dingue. Parce que les gens ont des mauvais souvenirs, des coiffeurs qui n'écoutent pas. Et puis, il faut rentrer, les cheveux, ils ne vont pas bien, tout le monde va regarder, etc. Et une fois, on a fait une collaboration avec une ASBL qui travaille avec des femmes SDF. Et il y a une personne, je pense que ça faisait super longtemps qu'elle n'était pas allée chez le coiffeur, évidemment. Et elle avait plein de nœuds et ça a mis du temps. En fait, qu'elle veuille bien qu'on prenne soin de ses cheveux, ça a été tout un processus sur l'après-midi. Mais à la fin, elle a voulu, ok, qu'on lui démêle ses cheveux, mais après, elle voulait qu'on lui enlève les points noirs et qu'on lui fasse des masques et qu'on machin. Enfin, c'était parti, quoi. Et il y a une autre asso avec qui on a travaillé, qui est une asso à Saint-Josse, l'autre lieu, qui travaille avec des personnes psychiatrisées. Et pareil, il y a une personne, on l'a pas reconnue quand elle est partie. C'était un monsieur, il avait les cheveux super longs. Et il est reparti avec les cheveux courts, moi je ne l'ai pas reconnu. Il avait plein de barbe aussi. Et je pense que c'est dans un salon de coiffure normal, en fait, c'est trop difficile d'accès pour plein de gens. Il faut avoir la démarche et rentrer, parler et dire ce qu'on veut, etc. Et ils ont besoin de plus de temps, en fait, ces personnes-là. Et ils ont besoin de se sentir bien et en confiance et de voir que c'est simple. En plus, les coiffeurs, quand ils parlent aux gens, ils parlent de choses qui ne sont pas très intéressantes. Ouais. et du coup, il y a des personnes qui arrivent à se faire couper les cheveux à la salle coiffe et qui n'arrivent pas ailleurs, quoi. Mmh. Je pense que c'est quand même une grande victoire dans ce qu'on fait, puisque c'est un peu le but que les personnes qui viennent à la salle coiffe, c'est des personnes qui ne peuvent pas aller chez le coiffeur, en fait. Que ça soit les potes qui font eux-mêmes leur crête de punk parce qu'ils vont pas aller voir un coiffeur pour ça et parce que de toute façon ils ont pas les sous, ou des personnes qui ont pas les sous, ou des personnes pour qui c'est trop difficile d'ouvrir cette porte-là du salon de coiffure, même si elles ont les sous. Et comment ça se passe? Vous avez des tarifs ou c'est des prix libres? C'est tout à prix libre. C'est à prix libre. Mmh. Ouais, chacun donne un peu ce qu'il veut. Ouais. Mmh. Il y a eu aussi, à un moment donné, trois femmes voilées qui sont arrivées à la maison en étant en mixité. Et voilà, bah, elles ne peuvent pas enlever le foulard devant tout le monde. Donc, on ouvre une salle à l'étage pour qu'elles aussi, elles aient leur place. Voilà, par exemple. Il y a y a ce salon de coiffure, mais il y a aussi des personnes qui viennent tirer les cartes du tarot. Donc il y a eu différents tarots, des tarots féministes, des tarots avec une attention particulière aux personnes psychiatrisées. Il y avait pas que ça, il y avait aussi un couple qui venait faire des massages sonores et énergétiques. Donc c'était dans une autre pièce. Donc ça veut dire que les gens, quand ils venaient à la maison, ils pouvaient, enfin quand ils viennent à la maison, je sais pas pourquoi je parle au passé, parce qu'on sait que... On a reçu la lettre aujourd'hui. qu'on va partir dans les 4 mois, mais bon, on sait pas encore le passé, on va faire quelques sales coiffes encore. Mais donc voilà, il y a moyen de prendre soin de soi, de se faire couper les cheveux. Pas avec quelqu'un qui va te dire les codes de la société, c'est ça, donc tu dois ressembler à ça. Et en fait, je m'en fous de toi, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et si t'as envie d'être asymétrique, et si t'as envie que ça prenne 3 heures, enfin voilà, toute cette dimension-là. Et il y avait aussi moyen de voyager autrement avec le tarot ou avec ces massages sonores, et voilà. Quand tu dis que vous allez partir dans 4 mois, ça va être fini dans 4 mois, c'est ça ? Ouais. Enfin, ça va être fini. La salle coiffe, ça va être fini, mais toute l'énergie qu'on a, elle déborde de la salle coiffe et elle va aller ailleurs parce qu'on est dans une démarche d'occupation. Donc on sait que c'est éphémère et on est contente en fait que ça soit éphémère. On va trouver un nouveau bâtiment et donc de nouvelles histoires. Là, en rencontrant ce bâtiment, on a rencontré l'idée de faire un salon de coiffure. On a appris plein de choses en faisant ça et du coup, en rencontrant un nouveau bâtiment, on va certainement rencontrer de nouvelles choses qui seront aussi super. Du coup, notre projet d'occupation féministe, il est loin d'être terminé. Mais la salle coiffe, oui, ça va être terminé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a une grosse pression de notre entourage pour continuer à faire des permanences coiffure parce qu'en fait, ça plaît beaucoup, quoi. Et du coup, je pense que ça, on va devoir continuer. Du coup, peut-être qu'il y aura des permanences. Et ça va se terminer parce que le propriétaire récupère la maison ou qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est vendu, ouais. Ah, ça a été vendu. Ouais. On a un propriétaire endetté qui est dans un home et voilà, il a je sais pas combien de milliers d'euros de dettes et sa maison est vendue et nous on a enfin ça s'est passé assez fluidement et sans trop de confrontations avec des gens qui en fait ont pris en compte notre présence dans ce bâtiment et c'est très rare dans le squat en fait en général on est considéré comme des parasites des personnes qui je sais pas qui profitent de la société sur le dos des autres ou j'en sais rien. Enfin, tout cet imaginaire-là, collectif sur les squatteurs. Et là, en fait, à la salle coiffe, il y a eu une vraie prise en compte de notre présence. Et on nous a laissé le temps de vivre ce qu'on devait vivre là. Et donc, on part même avec bon cœur. Ah, c'est bien. Super. Et ça a duré combien de temps ? 2 ans ? Un an et demi. Un an et demi. Depuis octobre 2015. Ah, ok. Et là, vous avez des projets, vous avez des maisons en vue ou rien du tout? je sais pas, des endroits, mais ils ne sont pas obligés de dire où. Hein. Bon, on ne sait jamais, quoi, mais on a des bâtiments en vue. Et... Mais on peut peut-être parler de l'atelier de la semaine prochaine, non? Ouais, justement. En fait, dimanche prochain, à la salle coiffe, pour les personnes qui sont dans une démarche d'occupation, on fait un atelier qui s'appelle « Ouvrir un squat entre copines ». Pour échanger, parce qu'on a des copines qui sont dans des groupes mixtes, mais qui ont aussi envie de s'approprier tous les outils d'occupation. Ça passe par les outils au sens concret, faire des choses avec ses mains, et que les femmes, c'est moins évident en général. Parce qu'il y a toujours des mecs pour dire « Non, c'est comme ci ou c'est comme ça, ou moi, je sais le tenir, cet outil. » Donc Merci pour la précision. Cet atelier, c'est pour échanger des connaissances sur les différentes pratiques d'ouverture de squat, parce qu'il y a 1000 manières de squatter, vraiment, quoi, entre les démarches plus légalistes, plus anarchistes, plus dans la dèche, plus... Enfin, je sais pas quoi. Et puis, en fait, on aimerait bien ouvrir un endroit qui soit plus centre social, féministe, donc dans notre idéal, mais à voir comment ça se concrétise avec les énergies qui ont envie de s'investir. Et du coup, on ne peut pas trop en parler parce que mm-hmm. tout est encore à construire par rapport à ça. Mm-hmm. Mais ça nous ferait kiffer. Je pense qu'on sera au courant. Ouais. Ouais. C'est bien. Vous avez d'autres choses à rajouter ? Non, c'était juste parce que c'est vrai que ça. Par exemple, j'ai connu ça que via une fois que vous avez mis un article sur Unimedia, sur ce qui se passait. Mais donc, c'est un peu un réseau qui a été créé où vous étiez commencé un peu. Le but, c'était vraiment créer un réseau directement au quartier. Parce que vous n'êtes pas. C'est pas comme un squat qui met ses activités en plein d'ouverture, si j'ai bien compris, ou est-ce que vous avez travaillé avec peut-être des mailing lists, je sais pas, tu vois, c'est juste, qu'est-ce qui était votre démarche là-dessus Déjà, la salle coiffe, c'est petit. Du coup, on ne pouvait pas commencer à mettre des programmes un peu partout dans Bruxelles parce qu'on a une capacité très faible. Et du coup, voilà. Donc, c'est surtout le bouche à oreille qui a marché et la mailing list. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontrait des personnes, on leur proposait de donner les emails. Donc, on a quand même une mailing list avec 200 personnes, ce qui est déjà beaucoup par rapport à la taille du lieu. Heureusement que ces 200 personnes ne s'intéressent pas à venir toutes en même temps. Mais du coup, voilà, il y a ce truc de taille qui a fait qu'on n'a pas pu trop visibiliser parce que voilà. Et le réseau qui est venu d'abord au salon de coiffure et après on a fait d'autres activités, mais ça a d'abord commencé par les permanences coiffure. C'est les gens du quartier qui nous ont déjà vus, trois meufs, parce qu'on était que trois au début, à sortir des énormes bouts de bois, des poutres de camions et à commencer à faire trois mois de travaux avant quoi que ce soit. Donc on a déjà rénové entièrement la maison, on a fait trois mois de travaux, donc ils ont halluciné sur nous. Genre, c'est quoi ces meufs qui rénovent une maison, genre, comment ça se fait qu'elles savent faire ça, quoi. Du coup, ça leur a donné une image très positive de nous, de personnes qui prennent soin d'une maison et qui sont autonomes et qui dépassent les limites de là où elles sont attendues tout en étant très souriantes et très avenantes, etc. Enfin, voilà, donc on a cassé un peu l'image du squatter parce que, enfin, on n'avait même pas envie de la casser, juste c'est naturel chez nous de ne pas être dans la colère et de ne pas mettre des grosses banderoles, enfin voilà. Et du coup, il y a eu ça. Et après, il y a eu donc le quartier qui est venu et notre réseau d'amis qui est un réseau plus du milieu queer, féministe, assez proche et qui a fait une sorte de bouche à oreille. Et avec les mois, ça s'est quand même élargi au fur et à mesure du temps. Mais malheureusement, on n'a jamais pu faire... on n'a jamais pu s'ouvrir complètement parce que ça serait... Voilà, c'est un petit salon de coiffure de quartier. Là, tu vois les rez-de-chausses comme ça. Enfin, si c'est déjà... Des fois, c'est déjà difficile, quoi. On est déjà trop nombreux à l'intérieur, quoi. Mais donc, voilà, ouais, c'était un processus assez lent où on est parti de nous qui on était et là où on était. Et puis après, on a commencé à convier d'autres personnes, quoi, qui venaient d'autres quartiers ou qui avaient des affinités avec nous. Mais le plus important, c'était les identités en présence. Donc nous dans cette maison et les gens autour de cette maison. Et je pense que pour nos futures occupations, on partira de la même chose en fait. Sauf pour un centre social. Ça c'est des autres démarches. Mmh. Ouais. Plus ouvert. Ouais. Ouais. Non mais c'est vraiment chouette d'entendre votre démarche et comment vous avez vécu les choses. Pardon, excuse-moi. Non, ça va. Mais tu vois, c'est une démarche plus ouverte, mais ça reste quand même... on fait quand même des choses de manière affinitaire. Et par exemple, il y a des trucs très drôles qui sont passés. Genre, une mamie du quartier qui est en train de se faire colorer par le pote queerpunk complètement... nous on dit PD, mais pour les auditeurs peut-être on va dire gay pour qu'ils comprennent de quoi on parle et qu'on n'est pas en train d'insulter nos amis, et qui a les cheveux bleus, qui porte une robe et qui prend super soin de la mamie. Et du coup c'était, mais des fois il y avait des images mais incroyables, et tu dis mais comment cette vieille dame peut accepter de se faire coiffer par ce punk, tu vois, qui voilà. Et du coup, voilà, la salle coiffe, c'est aussi ça, c'est que des personnes queer ou des femmes qui coupent. Il n'y a pas. Je crois qu'à part une fois, c'est arrivé, mais c'était une mauvaise personne avec une mauvaise énergie, elle n'est jamais revenue, et tant mieux, qu'un mec hétéro. Enfin, voilà. Et sinon, c'est cette démarche-là, quoi. C'est, les gens, quand ils débarquent là, ils hallucinent aussi, tu vois, de l'ambiance, quoi. Et nos copains qui coupent les cheveux ou qui font les couleurs, enfin, eux, ils s'éclatent. Enfin, tu vois, c'est genre la chambre de leur rêve, quoi. Moi, j'en ai encore un dimanche qui m'a dit, moi, si ça pouvait être ma chambre, le salon de coiffure, c'est tout ce que j'ai rêvé toute ma vie, quoi. Du coup, voilà, ça fait aussi plaisir beaucoup à cette communauté, faut dire ce qui est une communauté qui adore se faire des couleurs dans les cheveux et prendre du temps à discuter vernis et occupation en même temps. Enfin, voilà. Et du coup, la salle coiffe, c'est aussi ce mélange-là, quoi, de gens du quartier qui se mélangent avec ces personnes-là, qui montreraient du doigt et qui, en fait, se mettent à rigoler avec. Ouais. C'est trop beau. Oui, c'est trop beau à voir. Ouais, super. À vivre. Bon, faut pas qu'on s'auto-congratule trop. Hein. Non, mais c'est chouette d'entendre votre énergie positive. Chouette projet. Voilà. Une petite musique. Mais merci pour votre invitation. En fait, notre parole, du coup, elle se libère aussi à fond ici. Et c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est chouette de partager des chouettes choses. Notre radio, elle est faite pour ça. My teeth, my car, my vagina, my business. Donc, en regardant sur l'agenda, il y a à la salle coiffe, justement, une chose qui se passe. Mercredi prochain, vous pouvez en toucher deux mots. Donc, Il y a une personne militante, surtout à Vintimille et à Como, qui a son témoignage à transmettre sur deux années de lutte. Et donc en Italie, sur la question des frontières et tout ça, militant no border. Et donc il passe par la salle coiffe mercredi à 19h. Petite présentation avec vidéo et puis suivi d'une discussion. Enfin voilà. Ambiance petite et chouette. Donc on rappelle l'adresse, c'est 14 avenue rue Alphonse de Munter, ouais. À 1070 Bruxelles. Ouais, métro Saint-Guidon à côté du stade. Pour ceux qui connaissent. Même s'il y a 200 personnes qui embarquent, on peut quand même ouvrir la rue à faire un petit Reclaim the Night pendant. D'accord. Ou Reclaim the Streets, pardon. Ok, donc c'est à partir de 19h mercredi. Voilà. Alors, à part ça, pour l'agenda, il y a...